La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, savons-nous ce qu'est la lumière ? Dans notre conversation scientifique d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nature de la lumière. On entend souvent dire que la lumière est faite de petits grains, de corpuscules lumineux, qu'on appelle les photons, et on entend aussi souvent dire qu'elle est plutôt constituée d'ondes, d'ondes électromagnétiques. Or, une onde, ce n'est pas la même chose qu'un corpuscule. C'est même, d'une certaine façon, le contraire. Nos discours sur la nature de la lumière seraient-ils contradictoires, incohérents, absurdes ? La lumière ne nous serait-elle intelligible que grâce à un joli bazar conceptuel ? Pour évoquer ces questions, j'ai invité un homme qui a consacré sa vie de chercheur, et peut-être même un peu plus que sa vie de chercheur, à la lumière, justement. Et il a trouvé de très belles choses qui lui ont valu de recevoir le prix Nobel de physique en 2012. Bonjour Serge Haroche. Bonjour. C'est un honneur et une joie de vous recevoir. Vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « La lumière révélée, de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique ». Et vous dites dès les premières pages que vous êtes parvenu avec votre équipe à piéger pendant plus d'un dixième de seconde quelques photons micro-ondes dans une petite boîte aux parois réfléchissantes. Photons micro-ondes. Est-ce que ça n'est pas, compte tenu de ce que je viens de dire, une sorte de contradiction dans les termes ? Photon, c'est le corpuscule. Micro-ondes, c'est une onde. Comme si vous aviez, dans un vocable unique, essayé d'insérer la dualité en corpuscule. Oui. Effectivement, c'est pas ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que ce n'est pas une contradiction, mais une complémentarité. Et en fait, dans toute l'histoire de la lumière, il y a eu cette controverse entre les deux images, ondes et corpuscules. La première ayant été introduite par Huygens au XVIIe siècle et la seconde par Newton. Et puis finalement, les deux images, les deux concepts qui semblent a priori contradictoires, se sont réunis, se sont rassemblés dans la théorie quantique qui a commencé avec les travaux d'Einstein. Et donc c'est un petit peu cette saga, cette histoire de la lumière dont j'essaye de parler dans ce livre. Alors on va reparler de la mécanique quantique, mais commençons par le photon, on commence par la fin en quelque sorte. Quand on dit photon, on imagine un petit objet, corpuscule ou pas, mais en tout cas un petit objet. Et à chaque fois qu'on se le représente par la pensée, il y a un argument de la physique quantique qui vient montrer que l'image qu'on s'est faite est fausse. Est-ce que vous arrivez à concevoir le photon autrement que par une équation ? C'est une question qui peut nous mener assez loin. En fait, le photon, on le conçoit par des expériences que l'on imagine et que l'on fait ensuite. Et donc, on acquiert une intuition de ce qu'est le photon, si j'ose dire, quasi expérimentale. Il y a au départ une contradiction qui fait que, si on utilise le langage de tous les jours, un langage qui est basé sur notre intuition physique du monde qui nous entoure, on a cette contradiction. Mais si l'on pense aux expériences qu'on est capable de faire, qui au départ étaient de simples expériences de pensée, à l'époque d'Einstein, à l'époque des débuts de la physique quantique, si on pense aux expériences qu'on est capable de faire aujourd'hui, alors cette notion de photon devient plus accessible. On acquiert en quelque sorte une intuition par l'expérience. Alors Serge Haroche, vous le dites vous-même dans votre livre, vous aimez la précision. Vous aimez les mesures précises, bien faites, et vous donnez même des exemples de découvertes qui ont été faites dans l'histoire de la physique par le fait qu'on a trouvé un moyen de faire une mesure d'une grandeur ou d'une constante, par exemple, avec une meilleure précision. Peut-être qu'on y reviendra, mais que pour témoigner de ce goût pour la précision, je voudrais signaler que l'ouvrage que vous m'avez envoyé, dédicacé, vous l'avez aussi corrigé parce qu'à deux pages, il y a une petite erreur. Il y a le mot fréquence qui est utilisé à la place du mot période et vous avez corrigé avec votre stylo. Et puis un peu plus tard, il y a une valeur numérique qui est fausse que vous avez elle aussi corrigée. Oui. Donc ça vous aurait gêné que le livre m'arrive sans que ces erreurs soient corrigées ? J'ai fait des corrections à quelques exemplaires que j'ai envoyés à des personnes spécifiques, mais je dois vous dire que je n'ai pas poussé mon amour de la précision pour corriger toute la première édition à la main. J'espère que les éditions suivantes seront exemptes de ces erreurs. Alors dans ce livre, Serge Haroche, vous parlez aussi de votre parcours, notamment de votre enfance et de votre décision d'entrer dans la recherche, qui est une décision qui a été prise assez tôt dans votre parcours. Est-ce que c'est le fait d'écrire qui a fait réapparaître ces souvenirs ou est-ce que l'écriture, de ce point de vue-là, a été relativement neutre ? Non, en fait, J'avais le projet d'écrire un livre de ce genre depuis longtemps, mais je n'avais pas le temps de le faire. Et lorsque finalement je m'y suis mis, à l'injonction et après l'invitation que m'avait faite Odile Jacob, qui est l'éditrice de la collection dans laquelle le livre est paru, je me suis dit qu'il y avait deux aspects sur lesquels je voulais insister. Un aspect qui est l'aspect personnel, mais non pas personnel au sens de mon histoire privée, mais je voulais donner au lecteur un peu l'impression de ce qu'est la vie d'un chercheur, d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui motive, quels sont les ressorts qui nous poussent à faire de la recherche, qui nous poussent à être passionnés par la recherche fondamentale en particulier. Et en cela, je cherche à répondre aux questions qu'on me posait souvent lorsque je fais une conférence. C'est pourquoi vous êtes devenu chercheur, pourquoi vous avez choisi ce sujet, quel est l'intérêt de la recherche fondamentale. Bon, ça, c'est l'aspect... qui me concerne personnellement, et je voulais insister aussi sur la chance dans la vie d'un chercheur qui joue un rôle très important. Moi, j'ai eu en particulier la chance d'arriver dans cette recherche sur la lumière à une époque qui était une époque charnière, le moment où a été inventé le laser. Et c'est grâce au laser que les découvertes du dernier demi-siècle sur la lumière ont conduit à des choses qui, d'une part, ont été extrêmement importantes pour comprendre de façon plus profonde la nature, la recherche fondamentale, mais également pour développer des applications. Vous voulez dire que sans laser, aucune des expériences que vous avez faites n'aurait été possible, ni même concevable. Non, et celle de mes contemporains auxquels j'ai eu la chance d'assister également. Donc, et j'ai voulu montrer aussi le plaisir qu'éprouve un chercheur lorsqu'il découvre, justement, lorsqu'il est capable de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et la joie également qu'on éprouve lorsqu'on comprend ce que des collègues ou des compétiteurs ont fait ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est l'aspect personnel. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette recherche sur la lumière au cours du dernier demi-siècle vient à la suite d'une très longue histoire, qui est l'histoire de la lumière depuis les origines de la pensée scientifique moderne. Et le point important, c'est que la science de la lumière a été... à l'origine d'un grand nombre de découvertes en physique en général. Et en fait, on peut dire que cette saga de la lumière a accompagné le développement de toute la science moderne. Au XVIIe siècle, lorsque Galilée et Huygens et Newton ont commencé à s'intéresser de façon quantitative à la lumière, c'est l'époque où la démarche scientifique s'est définie et s'est approfondie. Et toute cette histoire de la lumière et la science en général ont progresser ensemble jusqu'au XXe siècle. Alors vous dites, quand on vous demande pourquoi suis-je devenu chercheur, vous dites dans votre livre, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par les nombres et j'ai eu la passion de mesurer les choses. Je me souviens d'avoir compté très tôt le nombre de carreaux de céramique sur le mur de la salle de bain et de pavés dans la cour d'école. Oui, en fait, j'ai eu rapidement, très vite, j'ai eu cette espèce, ce que j'appelle également une espèce de manie classificatoire, l'envie de classer les choses, de les ordonner. Là, ce que vous avez cité, ce sont des souvenirs de lorsque j'avais 6-7 ans, mais plus tard, je me suis intéressé à la taille des planètes, à la classification de leurs rayons, de leurs périodes orbitales, etc. Et ça m'a poursuivi un petit peu toute ma vie, mais j'essaie d'indiquer dans le livre, c'est que cette passion de la précision, elle a accompagné la science en général, et elle a conduit souvent à de grandes découvertes. Le fait de mesurer les choses avec précision, qui pourrait être considéré a priori comme une espèce de manie ou comme une espèce de passion gratuite, est en fait quelque chose d'important, parce que souvent, dans les détails, dans les petites différences entre ce qu'on observe et ce qu'on prévoit, se nichent de grandes découvertes. Vous avez une passion pour le nombre pi, en tout cas pour sa mesure expérimentale. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer expérimentalement la valeur d'un nombre comme pi? Bon, je donne effectivement un exemple au début. L'aiguille de Buffon. Oui, l'aiguille de Buffon, c'est une expérience qui est reproduite au Palais de la Découverte et qui l'était dans mon enfance, qui consiste à lancer sur un plancher qui se déroule des aiguilles dont la longueur est égale à la largeur des lattes du plancher et de mesurer la probabilité pour que l'aiguille tombe à cheval sur deux lattes. Et donc, il y avait un petit panneau au Palais de Découverte qui expliquait cette expérience. Et on pouvait faire l'expérience en appuyant sur un bouton. On lâchait un dispositif magnétique, faisait tomber l'aiguille sur le plancher. Et il y avait un compteur qui indiquait le nombre de fois où elle était tombée sur deux lattes. Et la formule mathématique indique que cette probabilité est égale à 2 sur pi. C'est Buffon qui avait démontré ça à la fin du XVIIIe siècle. Et après quelques milliers de lancers, on voyait effectivement qu'on s'approchait de ce chiffre avec une précision qui était relativement modeste. Mais ça m'avait beaucoup intrigué et je m'étais demandé, mais comment ça se fait que ce nombre pi qui est lié à la géométrie du cercle est un rapport avec ce qui est la probabilité d'un événement qui semble complètement différent. Et c'est également un aspect de la science, c'est qu'elle relie par les mathématiques des phénomènes disparates et elle permet d'unifier notre connaissance du monde à partir d'une approche mathématique. Et ça, c'est également quelque chose qui m'avait fasciné depuis très longtemps. Mais vous avez fait de très brillantes études. Vous avez été reçu à l'école normale et à l'école polytechnique la même année, après avoir fait ce qu'on appelle les classes préparatoires. Oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas devenu plutôt mathématicien que physicien, Serge Haroche? Puisque, compte tenu de ce que vous dites, c'est plutôt des réflexions de mathématiciens qui auraient dû vous porter. Bon, ce qui m'avait fasciné et qui m'intrigue encore, c'est l'adéquation entre les maths et la physique. Le fait que le monde physique, en tout cas le monde naturel, obéit à des équations mathématiques. Et je me suis convaincu plus tard que c'était lié au fait qu'il y avait des symétries dans la nature et que les mathématiques exprimaient par des formules ces symétries. Mais je me suis aussi rendu compte, quand j'étais en classe préparatoire, qu'il y avait des condisciples, des camarades qui étaient plus forts que moi en mathématiques pures. C'était l'époque où se développait le bourbakisme, cette école de mathématiciens francophones qui cherchait à formaliser le plus possible les maths. Et mes camarades avaient cette passion pour le bourbakisme et ils avaient également cette idée que les maths étaient inutiles, que c'était un jeu de l'esprit, quelque chose qui était lié simplement à l'esprit, qui était indépendant du monde extérieur. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et peut-être du fait que j'étais moins poussé à l'abstraction mathématique, je me suis dirigé plus vers une science qui consistait à utiliser les mathématiques pour faire de la physique. Alors vous racontez avec passion votre découverte justement de la physique au sens de la recherche qu'on peut faire dans ce champ. Et vous regrettez, dites-vous, qu'on apprenne aujourd'hui la physique comme une leçon de choses. C'est-à-dire qu'à votre époque, c'était enseigné d'une façon différente? Je pense que à mon époque, on insistait plus sur la nécessité d'avoir un formalisme mathématique au départ pour comprendre des phénomènes physiques. Et en particulier, je me souviens que dès la classe de troisième ou de seconde, on développait les moyens de calcul qui permettaient de déterminer la trajectoire d'un objet lorsqu'on le lance dans le champ de gravitation terrestre, de faire de la mécanique, mais de façon quantitative. Et c'était l'époque où on lançait les premiers satellites artificiels et avec les maths que j'avais apprises à l'époque, j'étais capable de calculer la vitesse qu'il fallait donner à une fusée pour qu'elle atteigne la vitesse de libération de l'attraction terrestre. Et ça m'avait beaucoup passionné. Or, je m'aperçois qu'aujourd'hui, lorsque je regarde les cours ou les questions qu'on pose aux élèves de l'âge que j'avais à l'époque, et je le vois en particulier en suivant un peu ce que font mes petites filles qui viennent d'entrer au lycée, je m'aperçois que c'est plus une leçon de choses. On leur pose des questions générales qui porte aussi bien sur les mathématiques élémentaires pour comprendre Newton que ce qu'est le boson de Higgs ou ce que sont les développements les plus modernes de la physique actuelle. Et cela, on ne peut le faire que de façon purement qualitative. Et donc, c'est ce que je voulais dire lorsque je dis qu'on fait maintenant plus de la leçon de choses que de la physique en profondeur. Et je pense que c'est un petit peu problématique. Vous dites que, enfin, vous suggérez en fait que c'est en faisant les choses en profondeur qu'on peut avoir des émotions liées au fait de comprendre, liées à la découverte. Je pense que parce que ça nous relie plus directement au passé et à l'histoire de la science en particulier, et être capable de vraiment comprendre en profondeur ce qu'ont fait les savants et les scientifiques du XVIIe et du XVIIIe siècle et une motivation profonde pour comprendre que l'aventure scientifique, c'est la prolongation d'une aventure qui a commencé il y a longtemps et qui est à la base finalement de la culture et de la civilisation. Et qui change aussi le regard qu'on porte sur le monde. Oui. Et d'ailleurs, vous citez Edward Purcell, qui est un physicien qui, comme vous, a eu le prix Nobel. Lui, c'était en 1952, avec Félix Bloch pour la découverte du phénomène de résonance magnétique. Et voilà ce qu'il écrit, et je crois que c'est un texte qui date de 1945. Il dit ceci: si banales que ces expériences sont devenues dans nos laboratoires, je n'ai pas encore perdu le sentiment d'émerveillement et de plaisir éprouvé en constatant que le mouvement subtil des noyaux atomiques devait se produire dans tous les objets ordinaires qui nous entourent, se révélant seulement à celui qui les regarde. Je me souviens, dans l'hiver de nos premières expériences, il y a 7 ans, d'avoir contemplé la neige avec des yeux nouveaux. Il y avait là, sur le seuil de ma porte, de la neige, des monceaux de protons tournant tranquillement dans le champ magnétique terrestre. Voir le monde pendant un instant comme quelque chose de riche et d'étrange, voilà la récompense secrète de bien des découvertes. Oui, Combien de fois avez-vous connu ce genre de joie et à propos de quel phénomène, par exemple? Pas très souvent, mais d'abord je veux dire qu'il est difficile de dire les choses mieux que ça, et je ressens ça très profondément. Le fait qu'une découverte, c'est quelque chose de caché qu'on révèle, c'est quelque chose que personne d'autre n'a vu avant vous, et c'est quelque chose qui révèle sous la complexité du monde qui nous entoure une loi relativement simple. C'est le cas de la rotation des protons dont Purcell parle, et c'est le cas dans mes expériences. J'ai éprouvé ce genre de plaisir profond lorsque pour la première fois j'ai pu observer un photon sans le détruire, observer à plusieurs reprises le même photon, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. C'était également une expérience qui a révélé un aspect profond de la physique. Et le plaisir qu'on éprouve à ce moment-là est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais Serge Roche, vous avez parfois un rapport très bizarre avec vos expériences. Vous racontez un jour que vous avez fait tourner des spins d'atomes d'hélium, je crois. Oui, des noyaux d'hélium. Vous les faites tourner, oui. Et puis avec votre épouse, vous allez au cinéma. Ça prend à peu près 2 heures. Oui. Et après le film, qui vous a changé les idées, je pense, vous revenez voir vos spins tournés. Oui, ils tournent toujours. Et ils tournent toujours. Oui, bon, c'est la résonance magnétique nucléaire permet de faire ce genre de choses. On peut mettre des spins en rotation et ils peuvent tourner pendant plusieurs journées avant de s'amortir, avant que les phénomènes d'amortissement ne fassent disparaître le signal. Et j'ai effectivement fait cette expérience. Je ne me souviens plus du film que j'ai vu à l'époque. Mais c'est pas dit dans le livre, je peux pas vous aider. Non, mais je me souviens plus du film en particulier, mais je me souviens du fait que, effectivement, en revenant, il tournait encore. Et votre femme vous accompagnait? Oui, au film, oui, mais aussi à l'expérience? Bien sûr, elle venait très souvent au laboratoire et elle m'a souvent accompagné, pas seulement à cette époque-là. Alors, j'ai une question qui est un peu personnelle et en même temps un peu philosophique à vous poser. Einstein, comme vous le savez peut-être, en 1947, il a écrit avec beaucoup de réticence ce qu'il a appelé une autobiographie. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit « L'essentiel dans l'existence d'un homme de mon espèce réside dans ce qu'il pense et comment il pense, non dans ce qu'il fait ou souffre. » Est-ce que vous pensez comme lui que, en matière de science, la subjectivité doit toujours passer au second plan et qu'il est préférable de dissocier la pensée et la vie? Est-ce qu'il y a effectivement une cloison étanche entre, disons, les débordements de la vie et puis la pensée? Parce que dans votre livre, vous parlez de vous, hein, mais très peu, oui. De façon très pudique, avec quelques allusions à l'enfance, quelques allusions, oui. à votre entrée au laboratoire Kessler-Brossel et à vos premières expériences, aux cours que vous avez suivis de la part de Claude Quintanji. Vous ne parlez même pas du prix Nobel? Non, parce que c'est quand même. J'imagine que quand on a un coup de fil annonçant qu'on a le prix Nobel, ça doit provoquer certaines émotions très particulières, oui. Qui méritent d'être racontées. Or, vous ne le faites pas. Effectivement, j'ai choisi de ne pas le faire. Comme il est indiqué que je suis prix Nobel sur la couverture du livre, j'ai pensé que c'était suffisant. Mais effectivement, mais ça dit pas l'émotion. Oui, bien sûr. Mais c'est une. Bon, effectivement, il y a une forte émotion. Et c'est surtout l'émotion que. De réaliser que le travail qu'on a pu faire, d'ailleurs en n'étant pas seul avec toute l'équipe qui m'a accompagné, est reconnu mondialement par les pairs, parce que le prix Nobel est remis à la suite de propositions faites par l'ensemble de la communauté scientifique, et donc ça c'était un plaisir immense. Et au moment où on le reçoit, on conçoit également le fait que la vie va changer, parce qu'on va être amené à faire le genre de choses que je fais aujourd'hui avec vous, que je ne faisais pas avant le prix Nobel, être interrogé sur son travail, être interrogé sur ce qu'on pense en général de la science et de son évolution. Et donc, on se sent investi d'une responsabilité qui est de devenir un avocat de la vérité scientifique, ce que j'ai essayé de faire depuis 2012. Et dans ce livre, j'ai essayé de le faire aussi, et j'ai pensé que c'était pas la peine de rappeler de façon explicite le prix Nobel pour le faire. Je me souviens, en 2012, vous l'avez appris, vous l'avez raconté le soir même, oui. Par un coup de fil, vous étiez dans la rue, je crois. Oui. Est-ce que vous y attendiez? Bon, pour vous dire les choses honnêtement, je pensais que c'était dans l'ordre du possible, mais je sais également que il y a beaucoup de personnes qui sont dignes de le recevoir. Et bien que ce soit dans l'ordre du possible, vous étiez dans la rue. Ben, c'est précisément parce que c'était dans l'ordre du possible, j'étais dans la rue parce que je voulais pas être dans mon laboratoire à cette heure-là, pour vous dire les choses. Ah, on va finir par tout savoir, mais il faut simplement bousculer un peu. vous parlez avec beaucoup d'affection et d'admiration de Claude Kentanji, qui a été un peu votre mentor, alors qu'il était tout jeune. Oui. Il a donné des cours que vous avez suivis de mécanique quantique. Oui. Le premier cours qu'il a donné, que j'ai suivi, c'était un cours sur la relativité. C'est-à-dire, c'est l'aspect de la science moderne, la théorie d'Einstein, de la relativité restreinte et un petit peu de la relativité générale. Et j'ai été ébloui par la clarté de ses cours, par la façon dont qu'il avait de présenter les choses de façon progressive et simple. Et je l'ai retrouvé dans les cours de mécanique quantique qu'il m'a donné l'année suivante. Et c'est vrai qu'il a joué un rôle très important dans ma carrière. Je parlais tout à l'heure de la chance dans la vie d'un chercheur, d'un scientifique. Moi, la première chance dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était le fait d'avoir commencé ma carrière au moment où le laser a été inventé. L'autre grande chance, c'est d'être tombé au départ sur quelqu'un de charismatique et qui m'a donné la passion dans un laboratoire qui n'était pas n'importe lequel. Et dans un laboratoire, en fait, je reproduis dans le livre une photo qui est assez représentative où on voit, c'était le jour où Alfred Kastler, qui était le maître de Cohen, a reçu le prix Nobel de physique. J'étais jeune étudiant à l'époque et on voit cette photo avec Cohen et avec Kastler, avec Claude Kentanji, avec Kastler. Et c'est une photo qui résume bien plusieurs choses. D'abord que j'ai eu la chance de tomber dans un laboratoire exceptionnel, et ensuite une chose qui n'est pas simplement quelque chose qui m'est arrivé à moi, le fait que la possibilité de faire de la physique, en particulier de la physique expérimentale à un très haut niveau, repose souvent sur le fait qu'on appartient à une école. Bon, moi, j'ai appartenu à l'école de Kastler et de Cohen, le collègue avec qui j'ai eu le prix Nobel, Dave Wineland, appartenait également à une grande école. Il avait été l'élève de Norman Ramsay, qui lui-même a eu le prix Nobel, lequel Ramsay était l'élève d'Isidore Rabi, qui avait eu le prix Nobel dans les années... Ça veut dire que pour avoir le prix Nobel, il faut connaître des prix Nobel et travailler avec eux ? Il ne faut pas, mais ça aide. alors, sur cette photo dont vous parlez, vous n'avez pas parlé de votre propre prix Nobel, mais vous parlez de celui d'Alfred Kastler, on voit également Jean Brossel. Oui. On vous dit qu'il l'aurait mérité, vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi il ne l'a pas eu. Est-ce qu'il en a souffert ou est-ce que... Jean Brossel était le collaborateur de Kastler, il était plus jeune que lui, donc il avait été d'abord son élève et il est resté son collaborateur. Et c'était quelqu'un d'absolument indispensable dans ce laboratoire. Kastler était le rêveur, la personne qui avait eu l'idée... Le poète. Oui, la personne qui avait eu l'idée du pompage optique, qui était une façon de manipuler des moments magnétiques et les spins des atomes avec de la lumière. Mais pour la réalisation expérimentale de cette idée, il fallait l'habileté, le génie d'expérimentateur de Brossel. Et donc les deux... Il a soufflé du verre jusqu'à la fin de sa vie. Il a soufflé du verre, il a fabriqué les cellules dans lesquelles les atomes étaient emprisonnés, et le revêtement sur ces cellules qui était indispensable. Il m'avait également enseigné en parallèle avec Kastler et Cohen des cours lorsque j'étais à l'école normale. Et c'est quelqu'un qui avait qui avait d'abord des capacités expérimentales extraordinaires, mais qui avait également la capacité de diriger un laboratoire. Il était capable de reconnaître la valeur des étudiants, de leur donner le libre accès au matériel qu'il fallait pour faire des expériences et les laisser librement choisir leur voie de recherche. Lorsque Kastler a eu le prix Nobel, on n'a pas compris pourquoi il ne l'avait pas partagé avec Brossel. Et Brossel ne s'est jamais plaint. Brossel a été extrêmement élégant. On le voit d'ailleurs sur la photo que je montre, il est souriant, alors que ça a dû être une grosse déception dans sa vie, mais il n'en a jamais parlé. Alors vous parlez, Serge Haroche, dans votre livre, de cette recherche qu'on qualifie en anglais de « blue sky ». Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire « blue sky » ? C'est une recherche dont on ne voit pas, dès le début, les applications possibles ? « Blue sky », c'est un terme imagé pour décrire ce qu'on appelle autrement la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche qui est motivée par la curiosité, le besoin qu'on a de comprendre le monde, sans chercher directement à appliquer les résultats de cette recherche à des applications pratiques. Et j'aime bien le terme blue sky parce qu'il se réfère au ciel. Et on peut se dire, par exemple, d'essayer de comprendre pourquoi le ciel est bleu et pourquoi est-ce qu'il devient rouge lorsque le soleil se lève ou se couche. C'est une réponse à une question de curiosité pure, que ça peut pas servir directement à quelque chose. Encore, on se trompe parce que l'étude de la diffusion de la lumière, qui a commencé au 19e siècle de façon sérieuse, a conduit à des tas d'applications, des appareils qui utilisent les propriétés de la diffusion de la lumière pour faire d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette recherche Blue Sky est finalement le terreau sur lequel les applications vont naître. On parlait tout à l'heure. Sans qu'on puisse les prévoir. Oui, on parlait tout à l'heure d'Ed Purcell, qui est l'inventeur de la résonance magnétique et que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais à Harvard au début des années 80. Il avait inventé la résonance magnétique nucléaire sans savoir du tout à quoi ça servirait. Et 30 ans après, ça a été développé, c'est devenu l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Purcell était encore vivant et il disait qu'il était émerveillé par ce que sa découverte initiale avait produit finalement. Mais c'était impossible dans les années 40 d'imaginer cela parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. L'imagerie par résonance magnétique, elle transforme des signaux abstraits, les signaux de micro-ondes émis par les atomes de notre corps, en images. Et pour ça, il faut une puissance de calcul qui n'existait pas dans les années 40. Il faut également des champs magnétiques intenses qui n'existaient pas dans les années 40. Donc finalement, cet exemple montre que les applications résulte du rassemblement de la convergence entre des recherches fondamentales qui ont lieu dans des domaines différents. Et à l'époque où on fait la recherche fondamentale, on ne sait pas du tout quels sont les autres résultats de recherche fondamentale qui vont être utiles au développement des applications. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, Serge Haroche, vous avez commencé la recherche dans les années 60. Oui. Déjà à propos de questions relatives à la lumière, oui. Depuis quelques décennies se sont écoulées. Est-ce que votre façon de comprendre la lumière aujourd'hui est très différente de celle qui était la vôtre dans les années 60 quand vous suiviez par exemple les cours de Claude Greentanger? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient modifiées par les expériences que vous avez faites, par les découvertes que vous avez faites? Par exemple, à l'époque, on pensait pas pouvoir faire des expériences sur une seule particule, un seul photon, un seul électron. Aujourd'hui, c'est possible. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'est une grande avancée? Oui, sur un plan fondamental, il n'y a pas eu de grand changement. C'est toujours la même physique quantique qui m'a été apprise dans les cours de Claude Greentanger dans les années 60 qui s'applique aujourd'hui. Mais la façon dont on la voit, dont on l'interprète, a changé précisément parce qu'on est maintenant capable, grâce au développement en particulier du laser, d'isoler une particule unique, d'isoler un seul atome, d'isoler un seul photon, de les mettre en interaction l'un avec l'autre et de voir ce qui se passe. Et cela, on aurait pu le décrire dès les années 60, mais à cette époque, ça constituait ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est-à-dire que c'était une expérience idéale qu'on était capable de concevoir, mais incapable de faire. Et depuis lors, on est capable de faire ces expériences et ça fait que le domaine de recherche a évolué, qu'on se pose maintenant la question plus en termes d'information quantique. On dit que les atomes ou les photons sont des véhicules, des porteurs d'informations, et que lorsqu'on les met en contact, on est capable de traiter cette information d'une façon qui peut-être un jour conduira à des applications. Donc cet aspect-là, cet aspect information quantique, était quelque chose qui nous était étranger dans les années 60, mais qui était déjà là en germe. Et pourtant, encore en 1952, Erwin Schrödinger, un des grands physiciens, des pères de la mécanique quantique, pouvait écrire « Nous n'expérimentons jamais avec un seul atome, avec un seul électron ou une seule molécule, nous le faisons dans nos expériences de pensée, mais cela a toujours des conséquences ridicules. » Oui. Il a été démenti par la suite. Oui, donc je cite cette phrase parce que précisément ce qu'on a essayé de faire, ce que tous les chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine au cours des 30 dernières années ont cherché à faire, c'est démentir Schrödinger, montrer qu'on peut effectivement isoler un seul atome, une seule particule, et que les conséquences ne seront pas vraiment ridicules. En fait, vous parliez du prix Nobel, lorsque j'ai été à Stockholm pour le recevoir, j'ai eu 3 minutes pour dire ce que je pensais. J'ai repris cette idée de Schrödinger en disant que mon collègue Dave Whelan et moi-même, nous avons essayé de montrer que c'était pas vraiment ridicule et que le banquet auquel j'assistais là montrait qu'il y avait des conséquences qui n'étaient pas ridicules de manipulation des particules. Bon, Schrödinger, c'est aussi ce fameux chat éponyme, oui. Le chat de Schrödinger, oui. Qui vous a intéressé également, puisque vous avez en quelque sorte fabriqué avec votre équipe une sorte de chat Schrödinger microscopique, on peut le dire comme ça. Oui. Et vous avez vérifié que la superposition de deux états que la physique quantique autorise était observable pendant un certain temps, en tout cas. Oui, en fait, pour revenir à Schrödinger, son image du chat Schrödinger, c'était précisément ça. C'était une illustration de, du côté ridicule de, qu'il voulait, sur lequel il voulait insister. Son idée, c'était que si on met en contact un seul atome, qui peut être dans une superposition d'états, ce que dit la physique quantique, c'est qu'un atome peut être à la fois excité et désexcité, et qu'on le met en contact avec un objet macroscopique, il a pris l'exemple du chat, eh bien, le chat va être aussi dans deux états. Et il y a une contagion. Et il y a une contagion, et le chat devient une superposition de l'état vivant et de l'état mort. Parce que si l'atome se désexcite et émet une particule qui déclenche un dispositif qui tue le chat, on se trouve dans cette situation qu'il qualifiait de burlesque. Et ce qu'il pose là en filigrane, en question, c'est le problème de la transition entre le monde classique et le monde quantique. Dans le monde quantique, on accepte ces notions de superposition, mais elles s'effacent lorsqu'on passe au monde macroscopique par le phénomène qu'on appelle la décohérence. Et c'est cette décohérence que j'ai étudiée dans mes expériences et dans l'expérience que j'ai faite avec mon équipe. Comment le quantique s'efface dans les systèmes formés d'un grand nombre de particules. Et un chat est formé d'un nombre gigantesque de particules. Nous allons y revenir, Serge Haroche, mais avant, nous allons écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Il s'agit de la 4e symphonie de Beethoven. Et nous reviendrons sur cette affaire de décohérence. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Serge Haroche, je me rends compte que j'ai dit une bêtise, j'ai parlé de la 4e symphonie de Beethoven, il s'agissait en fait du 4e mouvement de la symphonie numéro 8 de Beethoven. Oui. C'est vous qui l'avez choisi, il y a sûrement des raisons. Oui, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, cette année, c'est le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, et de nombreux concerts étaient programmés, et nous avons été privés par la pandémie, les concerts se sont arrêtés au printemps. Et j'ai eu la chance d'assister à un des rares concerts qui a pu être organisé il y a quelques semaines c'était à l'abbaye de Port-Royal des Champs, et l'orchestre, c'était l'orchestre des Dissonances, dont le directeur artistique est le violoniste David Grimal, qui est un ami personnel. Et on a eu le plaisir donc d'assister, on était masqués, on n'était pas trop nombreux, à une séance absolument extraordinaire où il a joué à la fois des symphonies de Beethoven et le concerto pour violon, le soliste. C'est un orchestre qui a une particularité, c'est qu'il joue sans chef. En fait, il est dirigé du pupitre du violon par David Grimal, et il démontre qu'on peut jouer à l'unisson, qu'on peut jouer ensemble, sans chef d'orchestre. Et ça montre qu'il faut une grande complicité, un travail énorme de la part des musiciens. Une grande concentration. Une grande concentration et une tension permanente qui se transmet à l'auditoire. Écouter un orchestre qui joue de cette façon donne un plaisir et vraiment, c'est une expérience unique. Dans votre livre « La lumière révélée », Serge Haroche, vous parlez de ce qu'Einstein a appelé la plus heureuse idée de sa vie. Oui. C'était en 1907, il était à Berne, ingénieur des brevets, et il a compris en revenant de déjeuner qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids, puisque les objets qui tombent avec elle tombent à la même vitesse qu'elle, donc par rapport à elle, ils sont en lévitation, en quelque sorte. Donc la gravitation est supprimée par le fait qu'on la subit. Oui. Quelle est l'idée la plus heureuse de votre vie? Est-ce que vous êtes capable de l'énoncer? Non, surtout je ne me comparerai pas dans ce contexte. Non, mais une idée dont vous avez perçu qu'elle allait changer votre façon de voir la lumière, ou bien vous donner une piste pour faire un nouveau type d'expérience. La différence entre la façon dont j'ai fait la physique moi et Einstein, c'est qu'Einstein travaillait tout seul et il a eu son idée. Son idée était une idée personnelle. Elle était inspirée par Galilée, on pourrait y revenir, mais c'était une idée personnelle. Moi, j'ai travaillé dans une équipe qui a une très forte cohésion, une très forte collaboration, en particulier avec Jean-Michel Raymond et Michel Brune, qui étaient d'abord mes étudiants et qui ont continué à travailler avec moi. Et peut-être l'idée qui a été vraiment celle qui nous a le plus frappé et qu'on a poursuivi comme un rêve pendant plusieurs années, c'était la possibilité de détecter un photon sans le détruire. En fait, dans toute l'histoire des photons, jusqu'à il y a quelques années, la détection d'un photon, c'était un clic sur un détecteur, c'était un signal qui arrivait sur la rétine, et lorsque le photon était détecté, il était mort. Ce qu'on a montré, c'est que... Détruit plutôt que mort, détruit, parce qu'il n'a pas été vivant. Oui, il était détruit. Alors que ce qu'on est arrivé à faire, nous, après de nombreuses années, c'est le faire interagir de façon suffisamment douce et subtile avec un atome pour qu'il reste vivant, entre guillemets, et qu'on puisse le détecter à nouveau un très grand nombre de fois. J'ai un peu de mal à vous croire quand vous m'expliquez, vous, Serge Haroche, prix Nobel de physique, que vous n'avez jamais eu d'idée intéressante, personnelle, mais je fais semblant de vous croire. Comment est-ce qu'on fait pour observer un photon, c'est-à-dire détecter sa présence, sans qu'aussitôt il soit détruit? Bien, il faut le faire interagir avec des atomes spéciaux, des atomes qui ont une très très grande sensibilité aux photons, en particulier aux photons micro-ondes, et qui peuvent inscrire l'information du photon, non pas sur leur énergie, c'est-à-dire que s'ils absorbent l'énergie du photon, ils le détruisent, mais sur leur phase. Et donc il faut introduire cette notion de phase que j'essaye de faire de façon la plus simple possible dans le livre. La phase, c'est une information qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus, disons, douce, entre guillemets, que l'énergie. Elle modifie légèrement les propriétés de l'état de l'atome et on peut détecter cette modification. C'est une espèce d'empreinte que l'atome prend à la lumière et qui maintient la lumière vivante, qui fait que le photon n'est pas détruit lorsqu'il est détecté. Et combien de temps a-t-il fallu pour concevoir cette expérience? Quelle est la taille? Est-ce que c'est des grosses expériences? Non, c'est justement c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ma carrière, c'est que j'ai toujours pu faire des expériences sur une table, ce que les Anglais appellent tabletop, c'est une expérience. Vous n'auriez pas aimé faire de la physique des particules? J'aurais pas aimé faire de la physique des particules parce que c'est une physique dans laquelle la responsabilité est diluée sur un nombre de personnes extrêmement grand. Il y a une séparation en physique des particules entre la théorie et l'expérience. Le type de physique que je fais est une physique dans laquelle théorie et expérience peuvent se mener de front. Et on a donc une idée de la conception de l'expérience et de sa construction et de son évolution de façon continue, et on travaille dans une petite équipe. Donc l'expérience tient sur une table, il faut quelques lasers, il faut des lentilles, des miroirs, etc. Et puis il faut surtout un cryostat, un appareil qui permet de maintenir le cœur de l'expérience à très basse température. Donc c'est une expérience qui tient dans une pièce de taille ordinaire. Une pièce de la taille de ce studio, oui. Et donc c'est quelque chose qu'on peut concevoir du début jusqu'à la fin. Ça prend plusieurs années à monter parce qu'il y a des tas de problèmes techniques, il y a des tas de difficultés, d'erreurs qu'il faut corriger, etc. Mais c'est un travail dont on est responsable du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des phases de grand découragement quand un problème technique semble rédhibitoire, par exemple ? Il y a des phases de découragement lorsque on n'arrive pas. Dans notre expérience, ce qui était indispensable, c'est d'avoir une cavité, c'est-à-dire une boîte formée de miroirs extrêmement réfléchissants. Le photon dans nos cavités rebondit entre les parois plus d'un milliard de fois, et ce qui lui permet de survivre pendant un dixième de seconde, un peu plus. Et on n'était pas sûr au début qu'on arriverait à faire de tels miroirs. Et pendant plusieurs années, on s'est heurté des difficultés techniques qui faisaient que nos miroirs n'étaient pas assez bons. Le photon était absorbé par la paroi. Le photon était absorbé par la paroi au lieu d'être réfléchi. Ou bien diffusé à l'extérieur, parce que le miroir était formé une structure ouverte. Donc si le photon n'était pas réfléchi suivant les lois de la réflexion, mais était diffusé par des petites imperfections, il sortait de la qualité, et donc il nous a fallu plusieurs années. Il est arrivé des accidents aussi, que le cryostat finisse par exploser, même, parce que il fonctionne, il faut le refroidir avec de l'azote et de l'hélium liquide, et s'il arrive un problème au moment de ces étapes, il peut y avoir des accidents, et quand un accident détruit le cryostat, il faut plusieurs mois pour le reconstruire. Donc il nous est arrivé effectivement mais jamais découragé. Je pense que ce qui fait aussi la possibilité de faire ce genre d'expérience, c'est de ne pas travailler seul. Quand il arrive un problème de ce genre, on est soutenu par les autres personnes de l'équipe. Il faut avoir un certain sens de l'humour, être capable de prendre du recul et de relativiser les difficultés. Et est-ce que beaucoup profité. Le moment où on constate que l'expérience marche, oui, est-ce que c'est un moment progressif ou est-ce que c'est un instant, on dit tiens ça marche avec la joie qui va avec? Il y a un instant, par exemple le jour où la cavité, on est arrivé à avoir mesuré les propriétés d'une cavité et réalisé qu'elle pouvait garder le photon pendant un dixième de seconde, on a compris que les expériences étaient devenues possibles. Donc l'instant où on a constaté ça, je m'en souviens très bien. C'était quelques semaines avant qu'on observe ce photon qui survit dans notre cavité pendant tout ce temps et qu'on peut détecter sans le détruire. On s'est rendu compte à ce moment-là que ce dont on avait rêvé pendant des années allait devenir possible. Serge Roche, vous racontez dans votre livre, et ce sont des pages pleines d'émotions pour le coup, votre visite du laboratoire de Faraday, qui a fait des expériences qui ont aidé Maxwell à concevoir sa théorie de l'électromagnétisme et qui a fini par démontrer que la lumière, c'est au moins ce qu'on croyait au 19e siècle, est constituée d'ondes électromagnétiques. Oui. Un laboratoire comme celui de Faraday, c'est aussi une pièce de taille normale, disons pas très grande. Oui. Est-ce que ça vous semble complètement différent ou est-ce que vous avez reconnu dans ce lieu des choses qui continue d'exister dans les laboratoires contemporains? Effectivement, oui. Le laboratoire de Faraday est au sous-sol de la Royal Institution, qui est une institution qui avait été créée à la fin du XVIIIe siècle et que Faraday a dirigé pendant très longtemps. Et son laboratoire a été conservé au sous-sol de cette institution, c'est devenu un musée. Et on y voit les bobines qui ont permis de démontrer la loi de l'induction. On y voit également les instruments qui lui ont permis de découvrir les lois d'électrolyse au XIXe siècle. Et donc, c'est un endroit qui est plein d'émotions et d'histoires. On y voit également, dans la bibliothèque, les lettres qu'il échangeait avec Ampère, qui était donc le grand physicien français de cette époque-là. Et on reconnaît dans cette correspondance beaucoup des choses que l'on retrouve à l'heure actuelle. La compétition entre les savants venant de différents pays. Cette compétition qui est assez âpre, mais qui en même temps restait extrêmement polie à l'époque. Et les lettres qui étaient écrites par Faraday étaient en anglais. Ampère répondait en français. Et on y sent cette tension. On y sent également... conçoit également le fait qu'à cette époque-là, il se représentait la lumière et les champs électromagnétiques d'une façon très différente de celle que l'on a maintenant. Et c'est la grande difficulté des historiens, de se remettre dans l'état d'esprit que les savants avaient à l'époque. Oui, sans rétroprojeter dans le passé ce qu'on a appris au cours de l'histoire. Donc ce musée est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des sciences et à l'histoire de la lumière et des ondes électromagnétiques. Mais à vos yeux, quels sont les héros de cette histoire? Les physiciens qui, pour vous, sont ceux qui ont apporté des idées, qui ont révolutionné la façon de concevoir la lumière. Il y a évidemment Newton que vous avez cité. Mais je commence avant Newton, je commence par Galilée, parce que quand on a parlé tout à l'heure de la grande idée qu'avait eu Einstein, c'est ce qu'il disait lui-même, mais en fait, il y a eu deux idées. Et la première idée, c'est la relativité restreinte, qui part du principe que la physique doit être la même pour tout observateur qui se déplace à vitesse uniforme. Quelle que soit sa vitesse, et cette idée, elle avait été donnée en premier par Galilée. Galilée avait dit, si vous êtes sur un bateau, il ne pouvait pas parler de fusée à l'époque, mais si le bateau va à vitesse uniforme, s'il ne tanque pas, tout ce que vous ferez à l'intérieur du bateau ne vous permettra pas de savoir si vous êtes immobile ou non. Si vous lancez une pierre, elle va tomber à vos pieds. Si vous vous versez du thé dans une tasse, elle va tomber dans la tasse, exactement comme si vous étiez immobile. Le mouvement est comme rien. Voilà. Et donc ça a conduit Einstein. Einstein a dit, bon, si on applique cette idée à la lumière, comme la vitesse de la lumière doit être la même pour tous les observateurs, ça veut dire que la loi de Newton de composition des vitesses n'est pas valable et ça veut dire que le temps est relatif à l'observateur. C'était la première idée. Ensuite, la deuxième idée qui vient également de Galilée, ça a été que tous les corps tombent à la même vitesse dans le champ de pesanteur terrestre. Ça veut dire que si on tombe avec eux, ben on a l'impression que on ne tombe pas. Et donc ça a été la deuxième idée. Donc ça vient de Galilée. Après Galilée, il y a eu évidemment Newton qui a mis tout ça en équation et qui a également été le premier à décomposer la lumière suivant le spectre. J'insiste aussi beaucoup sur Huygens qui est le premier à avoir dit que la lumière était une onde. Et il y a également Fermat qui était un personnage extraordinaire parce qu'il a été le premier à énoncer le principe qui dit que la lumière va d'un point à un autre en prenant le moins de temps possible. Et ça, c'est un principe de moindre temps qui est ensuite prolongé par le principe de moindre action. Qui le mot pertuis. Le mot pertuis, qui est une grande idée. Et puis, au 19e siècle, il y a eu Fresnel, qui est le père des ondes. Jung et Fresnel, qui sont le père de la théorie des ondes quantitatives. Huygens avait eu la première idée, mais la mise en équation et l'introduction de la notion de phase de l'onde lumineuse vient de Fresnel. Tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis ensuite, il y a eu Faraday, puis Maxwell, et après Einstein. Quand vous étiez enfant, vous racontez que vous avez été très impressionné par la découverte de la planète Neptune, qui a été découverte, on pourrait dire, mathématiquement, avant d'être observée grâce à un télescope. Est-ce que c'est une illustration de ce que vous disiez en préambule, à savoir que la mesure, la précision des mesures, c'est un déterminant clé pour éventuellement faire des découvertes? Oui, effectivement, je prends comme premier exemple cette découverte par Le Verrier. Il avait mesuré avec précision l'orbite de la planète Uranus et il l'avait comparé au calcul également précis de ce que devait être cette orbite si on appliquait les lois de Newton. Et il y avait une toute petite différence. Et cette différence, il l'a attribuée à la perturbation provoquée par une planète inconnue qu'on a découvert ensuite sur les indications de Le Verrier et qui était la planète Neptune. Et je montre ensuite que la même chose s'est reproduite au XXe siècle à plusieurs reprises. En particulier, on a mesuré avec une extrême précision le spectre de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire les fréquences que l'atome d'hydrogène est capable d'absorber du champ électromagnétique. Et on a vu qu'il y avait une toute petite différence avec ce que prévoyait les équations de la physique quantique. Et cette toute petite différence, c'est les effets du vide. Le fait que le vide, ce qu'on considère comme rien, l'absence de toute matière, de tout phénomène physique en un point d'espace, est en fait fourmille en fait de fluctuations du champ électromagnétique, de photons qui apparaissent et qui disparaissent. Et ces fluctuations du champ, qui sont inévitables, perturbent légèrement les niveaux de l'atome. Et cette perturbation, ce qu'on appelle le déplacement de Lambe, c'est quelque chose qui ressemble à l'effet Le Verrier. Mmh. Et donc, c'est-à-dire que le vide n'est pas vide, mais il est rempli de choses qu'on veut partir. Et donc, il est plein de choses qu'on ne peut pas éliminer. Oui. Et ces choses qu'on ne peut pas éliminer, c'est l'équivalent de Neptune dans le cas de Le Verrier. Et il y a un autre exemple que je peux prendre de l'importance des précisions, de l'extrême précision dans les mesures. C'est quelque chose qui a été observé il n'y a pas très longtemps. C'est les ondes de gravitation. Les ondes de gravitation ont été détectées. Ce sont des phénomènes cataclysmiques qui se sont produits à des milliards d'années-lumière de la Terre, qui provoquent une ondulation de l'espace-temps et qui produit au niveau de la Terre un effet incroyablement petit. Qui a pu être mesuré. Un siècle après avoir été prédit. Et il a été mesuré par le déplacement de miroirs situés à plusieurs kilomètres l'un de l'autre, un déplacement qui est de l'ordre d'un milliardième de la taille d'un atome. Donc voilà encore un exemple de précision expérimentale cette fois et d'application des lasers. Parce d'ailleurs, Einstein pensait qu'on ne pourrait jamais détecter les ondes gravitationnelles. Einstein pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter et effectivement, elles ont été détectées un siècle après qu'il les ait prédites et un siècle également après qu'il ait prédit l'existence de l'émission stimulée qui est le point de départ du laser. Donc la même année, il a eu l'idée des ondes et l'idée de l'appareil qui permettrait de les détecter un siècle plus tard. Et il ne savait pas du tout que ces deux idées étaient reliées. Donc quand on dit qu'Einstein n'a eu qu'une idée dans sa vie, on exagère. D'ailleurs, Einstein, il y a un autre épisode qui illustre ça. Il paraît qu'il a rencontré Valéry, le poète Valéry, à la fin des années 20 à Paris. Ah oui, je connais l'histoire. Et Valéry lui a dit, moi, quand j'ai toujours un petit carnet sur moi où je note mes idées, est-ce que vous en faites la même chose, professeur Einstein? Einstein a dit, oh, vous savez, moi, je n'ai eu qu'une idée dans ma vie. Moi, la version que j'ai, c'est, oh, maître, une idée, c'est si rare. Ce qui revient à peu près à la même chose. Est-ce que vous connaissez la remarque de François Arago, grand mathématicien astronome, sa façon de saluer la découverte de la planète Neptune par un astronome allemand qui s'appelait Gall sur les recommandations de Le Verrier. Il écrit « Monsieur Le Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa plume. Oui. » Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'impressionnant, le fait qu'on peut calculer d'une certaine façon l'existence d'un objet qu'on n'a jamais vu? Oui, c'est très bien dit. Effectivement, ça revient à cette idée que je disais du lien entre les mathématiques et la physique, les mathématiques et l'astronomie. C'est vraiment remarquable. Et Arago a joué un rôle important dans cette histoire parce qu'il a également, c'est lui qui a poussé les deux physiciens français, Fizeau et Foucault, à mesurer sur Terre la vitesse de la lumière. Vous racontez l'expérience en détail entre Montmartre et Suresnes. Oui. Il faut des mots un peu surélevés. Oui. Et donc, le fait que la vitesse de la lumière soit constante au sens où elle ne dépend pas du référentiel depuis lequel on la mesure, c'est quelque chose évidemment dont vous vous servez dans vos expériences. Oui. Qui a aussi permis de détecter les fameuses ondes gravitationnelles. Oui. Est-ce que c'est une idée qu'on arrive à se représenter de façon intuitive? L'idée que quand on change la vitesse de la source de la lumière, ça ne change pas la vitesse de la lumière émise. C'est quand même tellement contre-intuitif qu'on le sait, mais on a du mal à le croire. Oui, c'est contre-intuitif parce que c'est contraire à notre expérience de tous les jours, parce que notre expérience de tous les jours est basée sur des phénomènes dont les vitesses sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Mais cette idée conduit au paradoxe des jumeaux de Langevin, en fait que le temps s'écoule de façon différente suivant qu'on est suivant la vitesse relative des observateurs, et ça a conduit à des discussions pendant très longtemps parce que les gens n'avaient pas l'intuition de cela. Einstein l'a tout de suite compris, mais par exemple quelqu'un comme Bergson, avec lequel Einstein a beaucoup discuté dans les années 20, notamment à Paris, n'a jamais admis le fait que le temps d'Einstein, il considérait que c'était le temps de la physique, mais il devait être différent du temps de la subjectivité ou du temps biologique. Mmh. Et Einstein répondait en disant, il n'y a qu'un seul temps, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ça fait partie de la non-compréhension entre philosophes et scientifiques. Bon, il y a des cas où ça se résout au fil du temps. Sacha Roche, on pourrait parler avec vous des heures de la lumière. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'histoires, d'expériences passionnantes qu'on n'a pas le temps de raconter ici. Mais à la fin, de façon assez curieuse, vous écrivez une postface à votre livre que vous intitulez « Science et vérité ». Oui. Vous l'avez fait parce que vous pensez qu'il y a un problème ? Oui, je l'ai fait. D'abord, j'ai rajouté cette postface. J'ai écrit le livre avant la pandémie et j'ai rajouté cette postface pendant la pandémie parce que j'ai pensé qu'il y avait effectivement un problème. On vit à une époque, c'est assez paradoxal, on vit à une époque où la science n'a jamais été aussi productive, elle n'a jamais été aussi utile pour nous donner des réponses aux problèmes qui se posent. Et elle n'a jamais été aussi utile pour nous permettre de développer des instruments qui ont vraiment modifié notre vie au cours du XXe siècle. Et pourtant, malgré tous ces succès, elle est attaquée, elle est mise en danger par la propagation de contre-vérités, de fausses nouvelles, de fake news. Et j'ai voulu analyser rapidement ce phénomène dans le dernier chapitre pour m'en inquiéter, parce que je pense que évidemment tout ça met en danger la société en général, mais la science est particulièrement vulnérable parce que la science est basée sur la notion de doute, mais du doute rationnel. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est qu'à toutes les époques, chaque fois que l'observation d'un phénomène ou une expérience a montré que la théorie n'en rendait pas compte, on a dû modifier la théorie. Donc, ou bien inventer l'existence d'un objet qui, oui, s'il existe, rétablit, voilà, l'accord. D'accord. Comme Neptune. Oui. Donc on a constamment adapté. La vérité scientifique n'est pas immuable. La vérité scientifique est évolutive et elle est basée sur un doute permanent, mais un doute rationnel. Doute rationnel qui a été formulé dans science depuis Descartes. Et par contre, ceux qui nient la vérité scientifique, ceux qui disent que les vaccins sont dangereux, ou qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ou qui disent bref, on pourrait multiplier les exemples, ces gens-là se basent sur un doute complètement irrationnel, un doute qui pervertit le doute scientifique. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait, Serge Haroche, que pendant la pandémie, on a eu l'impression qu'on confondait la science et la recherche? Oui. La science, c'est quand même un corpus de connaissances. Oui. La Terre est ronde, oui, l'univers est en expansion, oui, etc. Qu'on n'a pas de raison de mettre en doute, sauf si un signal nous indique qu'il y a un problème dans ce qu'on sait. Oui. Et donc, c'est plutôt le domaine des résultats validés. Oui, mais malheureusement, il y a déjà... Mais la recherche, elle, oui, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre a priori. Oui. Et le fait qu'on les confonde fait que, vu de l'extérieur, il y a une grande confusion, puisque à la fois la science est censée découvrir la vérité, et en même temps on explique que la recherche est le doute permanent. Donc il y a une sorte d'amalgame entre les deux qui fait que on a l'impression de pouvoir douter avec son bon sens ou son intuition de n'importe quel résultat scientifique. Oui, je pense que c'est... oui, effectivement, vous disiez qu'il y a des vérités qui sont admises. Le fait que la Terre est ronde, de façon extrêmement surprenante, il y a un pourcentage non négligeable de gens qui en doutent encore. Et vous pouvez trouver des tas de sites sur l'Internet qui expriment... Oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a une mauvaise connaissance de nos connaissances? C'est-à-dire, on sait que la, oui, Terre est ronde, mais on ne sait pas dire comment on a su qu'elle était ronde. Bon, et... c'est... Je dis profondément, c'est lié au fait que les gens confondent théorie scientifique et opinion. Le fait que si tout se vaut, si on peut émettre une opinion basée sur une idéologie, sur une croyance, au même titre qu'une vérité scientifique, à ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Et il y a de ça également dans ces attaques contre la science aujourd'hui. Mais est-ce que ça a joué dans votre décision d'écrire un livre expliquant la démarche scientifique au, oui, travers de, oui, l'exemple de la lumière, qui, oui, est un cas d'école presque, puisque c'est... Oui. Avec la lumière que commence le questionnement scientifique au sens moderne, oui, du terme. Oui, ça a été une des motivations. J'ai voulu montrer la progression des idées et l'importance de cette démarche scientifique et de son caractère universel. En fait, ce qui fait que la vérité scientifique est attaquée aujourd'hui, c'est que les gens se réunissent en groupe, en petites tribus de gens qui s'agrègent autour... Vous parlez de tribalisme, oui, anti-scientifique. Oui, c'est des gens qui s'agrègent autour de vérité, entre guillemets, de contre-vérité, parce que ça leur permet de s'unir, d'être complices les uns des autres, alors que la vérité scientifique est universelle, et donc ils la considèrent comme une ennemie, parce qu'elle ne permet pas aux gens de se regrouper, au contraire, elle donne un côté universel, une ouverture universelle à la culture et à la civilisation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors, si vous avez une idée, pour que... Il faut développer l'éducation, c'est toujours éduquer au niveau des écoles en France et dans le monde entier, éduquer en particulier les femmes, qui dans de nombreux pays n'ont pas accès à l'éducation, et espérer que les choses vont changer. En fait, finalement, si on analyse bien, Galilée a gagné par rapport au pape Urbain VIII, Einstein a gagné sur Hitler et Darwin a gagné contre Lysenko. On peut espérer que, à la fin, la vérité scientifique va triompher. Merci Serge Haroche, c'était un plaisir de vous recevoir. Je recommande la lecture de votre livre La lumière révélée, avec comme sous-titre De la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique, qui vient de paraître aux éditions de Odile Jacob. C'était La conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Michel Bernaud et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.